De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et après ce détour par les ondes gravitationnelles, revenons sur Terre. Le secteur de la construction est un moteur de l'économie, mais c'est aussi un secteur qui laisse une forte empreinte environnementale. Évidemment, il faut se loger, il faut se chauffer, mais il y a peut-être des solutions moins délétères pour l'environnement que d'autres. On en parle avec Camille Chabas, étudiante au doctorat au CIREG, le centre de recherche spécialisé dans l'analyse de cycle de vie des produits. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. Alors, dans des chroniques précédentes, tu nous as présenté l'analyse de cycle de vie. On se souvient que ça consiste à examiner tous les flux de matière et d'énergie qui entrent et qui sortent tout au long du cycle de vie d'un produit, donc depuis sa conception jusqu'à son élimination en fin de vie. Alors, ce concept-là d'analyse de cycle de vie, comment ça s'applique au secteur de la construction, ou du moins peut-être à un bâtiment, pour simplifier. Là, on prend un bâtiment de sa construction jusqu'à sa fin de vie, jusqu'à la mort du bâtiment. Comment ça s'applique? Alors ça s'applique exactement de la même manière. On va partir de l'extraction des ressources qui sont nécessaires pour fabriquer les matériaux qui vont être utilisés dans la construction. Puis ensuite, on prend chaque étape de ce cycle-là en considération. Donc la phase de production des matériaux, la phase de construction, donc du chantier lui-même. On va prendre en compte l'utilisation du bâtiment par les gens qui l'occupent, que ce soit un bâtiment d'habitation ou un bâtiment de bureau, par exemple, ça revient au même. Donc, toutes les consommations énergétiques à l'intérieur du bâtiment, les consommations d'eau, etc. Puis, on va aller jusqu'à la fin de vie, c'est-à-dire que le moment où le bâtiment est détruit et où les matériaux sont recyclés, enfouis ou récupérés selon ce qui leur arrive. Un peu plus, c'est pas plus compliqué de faire une analyse de cycle de vie d'un bâtiment. Il faut savoir que c'est quand même, on a des groupes de recherche qui ne sont dédiés qu'à ça. C'est un pan entier de la recherche en ACV qui est analyser la construction. Il y a énormément de sous-produits et de sous-étapes dans un bâtiment et on essaie d'être les plus minutieux possible dans la prise en compte de chaque élément. Donc on va vraiment prendre en compte. Comment est fabriqué mon sandwich de mur, du parement extérieur jusqu'au parement intérieur, en prenant en compte tous les matériaux, la toiture, les fondations, etc. Et on va essayer de ne rien oublier. Donc comment est fabriqué le béton des fondations, les morceaux de bois qui sont dans la charpente, le bardeau d'asphalte, toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est et puis là, après Exactement. les processus de construction sur le chantier, parce qu'il y a des équipements, il y a des machines qui vont construire, qui vont utiliser d'énergie. Et après, même pendant la phase d'utilisation du bâtiment, quand on vit dedans, on utilise de l'eau, on utilise de l'énergie, mais on fait aussi des entretiens. Des fois, on va changer nos fenêtres, on va changer les bardeaux, on va changer un revêtement. Donc, ça, c'est dans la phase d'utilisation du bâtiment. On va acheter des nouveaux matériaux, mais c'est inclus dans la phase d'utilisation du bâtiment. Alors absolument, c'est chaque matériel utilisé pour la construction a une espérance de vie en analyse de cycle de vie. Alors, une espérance de vie de bâtiment standard en ACV, selon le bâtiment, ça peut être entre 50 et 100 ans, avec des variations à l'intérieur, hein, c'est très très contextualisé, ça varie selon chaque bâtiment. Mais il y a des matériaux à l'intérieur qui ont des espérances de vie beaucoup plus courtes. Par exemple, si votre façade est en bois, il va y avoir des traitements à refaire, il va y avoir des changements de parement de façade. Tout ça est pris en compte. Si votre façade en bois nécessite un traitement sur le bois de la façade tous les 10 ans et que l'espérance de vie de votre bâtiment a été calculée sur 60 ans, on va prendre en compte 6 traitements de façade pour calculer l'impact total de ce traitement sur la durée de vie du bâtiment. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment complexe, rien qu'à l'échelle de un bâtiment ou d'une maison. Alors maintenant, je me projette sur l'ensemble du secteur de la construction d'un pays ou de la terre, je ne sais pas. Est-ce qu'on a une idée de l'empreinte environnementale du secteur de la construction dans l'ensemble des autres secteurs? Oui. Alors, une idée, c'est le terme juste. C'est un secteur industriel qui est tellement énorme, la construction en général, que tout ce qu'on a en fait, c'est des idées dans le sens où on n'arrive à faire que des estimations. Il faut savoir que la construction, c'est le secteur industriel aujourd'hui qui consomme d'abord le plus de ressources naturelles. En 2020, on a extrait, on fait des estimations, hein, mais on a extrait environ 92 milliards de tonnes de ressources du sol. La construction, elle en consomme 65% de ces ressources-là, c'est-à-dire entre 50 et 60 milliards de tonnes, uniquement destinées à bâtir nos infrastructures. Donc, quand on parle de construction, évidemment, c'est construction au sens très large. On parle de bâtiments. Donc, ce sont des maisons individuelles, des bâtiments industriels, des bâtiments de bureaux, mais ça concerne aussi nos ponts, nos routes, nos hôpitaux, nos écoles, etc. C'est construction au sens large. Donc, c'est un énorme secteur. Et parce que c'est un énorme secteur, c'est un secteur qui a d'énormes impacts. Donc, on sait par exemple que le bâtiment consomme environ 70% de toute l'électricité qu'on produit dans le monde. Et à cause de ça, il émet 38% des GES, donc des gaz à effet de serre qui sont liés à cette consommation d'électricité. Donc, c'est très, très gros. C'est un secteur qui est générateur d'énormément de déchets, hein, qu'on appelle les déchets de la CRD, construction, rénovation, démolition. En Chine, par exemple, ça représente 1,13 milliard de tonnes de matériaux et de déchets de démolition par an. Au Québec, c'est un tiers de toutes les matières résiduelles qu'on produit en un an. Un tiers de nos déchets. Un tiers de nos déchets au Québec proviennent de la construction. D'accord. Et donc, dans ces déchets, il y a quoi? Il y a des agrégats, il y a quoi? Il y a des barres d'asphalte. Quand on refait notre toiture, il y a quoi? On retrouve tout ça? Non, c'est des. Absolument. Alors, ça va un peu dépendre de à quel stade du cycle de vie vous êtes quand on parle de déchets. Dans un chantier de construction, on est sur des déchets qui sont globalement plutôt des déchets d'emballage. Donc ça va être des sacs de ciment, par exemple, bêtement. Et on est sur ce genre de déchets-là. Un chantier, ça produit beaucoup de déchets dans la phase de finition, par exemple. On va se retrouver avec les emballages des tuiles de sol, les emballages de parements de façade. Donc c'est beaucoup de carton et c'est beaucoup de plastique. Quand on est en fin de vie de bâtiment, on est sur bah, tout ce qui compose votre bâtiment. Donc, on est sur du métal, du bois, des agrégats, du béton, des plâtres, des plaques de gypse, mais aussi du plastique pour tout ce qui va être parement en vinyle, par exemple. Donc là, on est plutôt sur des catégories de plastique, en fait. Des câbles électriques, une petite part de métal, du cuivre. Quand c'est des très gros bâtiments, il va y avoir bah, toutes les structures porteuses qui sont en métal, du verre. Donc ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut aller jusqu'à des déchets plus problématiques à traiter, comme des bardeaux d'asphalte ou même comme de l'amiante. D'accord. Puis là, il faut le savoir qu'il y a des centres de tri qui sont spécialisés pour tous ces résidus de construction, démolition. Absolument. Il y a des centres de tri qui sont spécialisés pour rajouter une petite note d'optimisme. Il y a aussi des structures à Montréal qui se chargent de mettre en relation des gens qui cherchent des matériaux et des chantiers de démolition où la démolition du bâtiment a été faite de manière raisonnée, c'est-à-dire qu'au lieu de le démolir en le pulvérisant, hein, on l'a démoli de façon propre et ordonnée. Et donc, on va se retrouver avec une certaine quantité de matériel qu'on peut récupérer tel quel et réutiliser tout de suite. Donc voilà, ça, c'était la note un Il y a des matériothèques, peu... je crois, il y a des matériothèques de matériaux de construction, je crois, où effectivement, au lieu Absolument. de rentrer avec la pelle mécanique dans la maison, on vient, ou dans le bâtiment, on déconstruit proprement on sépare les matériaux. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'à Montréal est un laboratoire intéressant pour ce genre de pratique. Il y a quand même pas mal de bâtiments dans Montréal où on va retrouver des éléments d'autres bâtiments démolis. Le plus gros exemple de ça, c'est les ateliers Angus. Le quartier Angus, c'est un quartier d'habitation à Montréal qui est bâti au-dessus des anciens ateliers Angus, qui étaient les ateliers où Canadian Rail fabriquait les locomotives. Ces ateliers ont été démontés. C'était des ateliers construits en poutrelles métalliques. qu'on va retrouver un peu partout dans la ville, notamment dans l'ATOHU, qui est une salle de spectacle qui a été bâtie quasiment la structure porteuse de l'ATOHU. C'est les poutrelles des ateliers Angus. Ah, Donc ok. ça reste quand même assez exceptionnel et Ouais. rare, hein, mais c'est des procédés qui Ouais, c'est quand existent. même des pratiques anecdotiques, quand même. Absolument, tout à fait. Puis peu adaptable à la situation d'un particulier. C'est-à-dire là, on est sur du gros bâtiment et sur des projets Ouais. architecturaux compliqués et gros. Quand vous faites bâtir votre maison, c'est un peu plus compliqué de mettre ce genre de pratique en Ouais. place. Il y a aussi une incidence environnementale qu'on oublie un petit peu avec le bâtiment, c'est l'empreinte eau, qui est quand même pas négligeable. Absolument. Donc, au niveau du bâtiment, alors il faut savoir qu'au niveau de l'empreinte eau, le plus gros impact de la construction, c'est pas tant la construction en elle-même, l'impact eau du chantier en lui-même est assez peu significatif Ah ouais? proportionnellement à tout le reste. Parce que Oui, en termes de pourcentage, c'est vraiment pour faire assez du peu. béton, il faut de l'eau. Il faut de l'eau, absolument. C'est juste qu'il y a un énorme impact qui a lieu à l'utilisation, puis qui a tendance à faire disparaître l'impact qui est fait au moment OK. du chantier. Le plus gros impact de l'eau dans un bâtiment, en fait, il a lieu au jardin. Il n'a pas lieu dans la maison elle-même. C'est des impacts d'arrosage et d'entretien. Donc c'est vrai que là, on n'est pas sur le bâtiment en tant que tel, on est sur le terrain sur lequel il se situe. Et puis, il y a des solutions assez simples à mettre en place qui sont, il faut, au niveau de son jardin, privilégier des plantes, par exemple, qui sont des plantes indigènes, c'est-à-dire des plantes qui sont originaires de la région dans laquelle on se trouve, permet de diminuer significativement ses besoins en eau et d'éviter les arrosages excessifs. Mais on n'est pas à proprement parler sur la construction en elle-même. L'impact de l'eau en termes d'utilisation au sein du bâtiment, il a lieu sur des usages quotidiens. Quand on parle de bâtiments d'habitation individuelle, on est vraiment sur des choses dont on a tous entendu parler, nos douches, nos bains, nos toilettes, la laveuse, tout ce qui se passe dans la cuisine, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des électroménagers extrêmement performants en termes de consommation d'eau. Une laveuse moderne, un lave-vaisselle moderne, ce sont des électroménagers qui consomment autour de 14 litres par brassée. C'est quand même assez peu, c'est moins qu'une vaisselle de 4 personnes à la main, par exemple. Donc, on est sur des consommations assez basses. Puis après, c'est les mêmes conseils qu'on entend partout. On ferme son robinet, on met un mitigeur pour faire baisser le flux de son robinet. Donc là, il n'y a pas de solution miracle à mettre en place. C'est toujours les mêmes conseils qu'on connaît tous. Bah c'est bien ces solutions, ces conseils que tu nous rappelles sur les économies d'eau. Et de la même façon, si on s'intéresse au bâtiment ou à la maison elle-même, est-ce qu'il y a des solutions pour réduire l'empreinte environnementale d'une maison au moment peut-être de la rénovation, par exemple? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors oui, nous on a un petit terme pour ça, on appelle ça de la théorie des 3 R. Puis c'est réduire, récupérer, renouveler. Donc là on parle de consommation d'énergie. Et donc le premier c'est réduire. Puis pour réduire sa consommation d'énergie au sein d'un bâtiment, le point principal c'est l'isolation. L'isolation c'est toujours la rénovation si on a l'occasion de la mettre en place qu'il faut mettre en place. C'est la qualité d'isolation dans un bâtiment qui va déterminer le niveau de consommation d'énergie au sein du bâtiment derrière. Donc, ça ne sert à rien d'aller vers une chaudière plus performante, ça ne sert à rien de changer ses radiateurs pour des radiateurs plus performants tant qu'on n'a pas isolé son bâtiment. Donc, il faut isoler ses fondations au moment de la construction. C'est-à-dire, il faut l'avoir pris en compte lors de la construction. Puis, si on n'a pas eu l'occasion de le faire correctement, il faut profiter de la rénovation qu'on va mettre en place pour isoler ses façades, donc isoler les murs et isoler sa toiture correctement. Mais là, donc, si on en revient, si on reprend une perspective à CV, et qu'on regarde les différents isolants, parce qu'on peut isoler avec de la laine minérale, on peut mettre, je ne sais pas, du polystyrène, du polyuréthane, il y a plusieurs isolants qui existent. Donc, si on prend une perspective à CV, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur en termes d'empreinte environnementale? Pas juste, donc, est-ce qu'il va avoir la même résistance thermique, mais est-ce que pour sa fabrication, est-ce que pour tous les à côté, est-ce qu'il y en a un qui va être meilleur que l'autre? Alors, c'est difficile de parler en termes de meilleur. C'est assez, de façon assez évidente. Plus on va vers des produits pétroliers, plus on va se retrouver avec des impacts environnementaux, importants. Donc, on a moins d'impacts environnementaux sur un isolant en fibre de bois que sur un polystyrène, par exemple. Bon, de façon assez logique, hein. Sur des polystyrènes, on est sur des produits qui nécessitent beaucoup de processus industriels, alors que sur des fibres de bois, on en a quand même assez peu. Ce sont des produits qui sont simples à fabriquer. Donc, de façon assez évidente, plus on va vers un produit technique compliqué, plus on va avoir d'impacts environnementaux. Ceci dit, c'est un peu au cas par cas. C'est difficile d'apporter une réponse unique à cette question-là, parce que ça va beaucoup dépendre de quel bâtiment on parle. Ça va dépendre de où est-ce qu'il est situé. Ça va dépendre de si vous pouvez l'isoler par l'intérieur ou par l'extérieur. Ça va dépendre de la place que vous avez. Quand vous avez un bâtiment, par exemple, hein, un petit immeuble de 4 condos dans Montréal, situé sur une bordure de trottoir, vous allez avoir assez peu de place en façade pour gagner de l'espace et faire une isolation par l'extérieur. Le trottoir ne vous appartient pas. Hein. Vous n'avez pas de débord là, vous n'avez pas de marge supplémentaire. Donc vous allez devoir isoler par l'intérieur puisque c'est la seule solution technique qui vous reste. Et c'est évident que là, on peut, pour des raisons de place assez évidentes, aller vers des produits plus efficaces, plus minces et du coup plus technique et donc avec plus de produits pétroliers à l'intérieur, comme des, voilà, des polystyrènes par exemple. Donc en fait, ça va varier beaucoup de ce que vous avez la possibilité de faire. Ceci dit, aujourd'hui, un des produits les plus performants, je vais faire un peu de publicité, un des produits les plus performants, les plus faciles à mettre en place et a priori les moins chers, en tout cas de ce dont je me souviens, c'est la ouate de cellulose. Un produit extrêmement facile à mettre en place. Il faut une matinée pour isoler les combles de toiture avec 1,5 pied de ouate de cellulose. C'est un produit qui est du papier broyé, hein, C'est assez ça, c'est du rudimentairement. papier recyclé, la ouate de cellulose. C'est du pa absolument, c'est du papier recyclé. Il n'y a pas d'additif chimique a priori. Elle est sans doute traitée anti-feu, en tout cas à vérifier, mais on reste sur des quantités qui sont très faibles. Le coût est très intéressant et en termes d'efficacité d'isolant, c'est un des produits les plus efficaces du marché. Donc en fait, tout va varier parce que ça va dépendre de ce dont vous avez besoin. La ouate de cellulose, c'est un produit en vrac. On ne peut pas le mettre dans les murs. Dans les murs, il faut des produits en panneaux. Oui, Hein. ça existe, Donc, je en fait, crois, mais il y a des machines pour le souffler pour assurer la densité. C'est bien plus. absolument, on va l'enduire. Tout à fait, tout à fait. Il y a des techniques qui existent. Mais en fait, tout va dépendre du chantier, et de la configuration de votre chantier et de votre bâtiment. Ouais. Donc ça, c'est pour l'isolation. Il y a un autre pour réduire les fuites d'énergie, en tout cas pour réduire la facture énergétique ou les dépenses énergétiques du bâtiment ou de la maison. On peut aussi agir sur l'étanchéité parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas la peine d'avoir des super chaudières, des super calorifères si on a une passoire thermique, si nos murs sont mal isolés ou s'il y a des fuites. S'il y a des fuites entre la fenêtre et le mur, entre la porte et le mur, et puis que finalement la chaleur s'en va. Donc, il faut travailler l'étanchéité aussi. Il faut travailler l'étanchéité. L'étanchéité, c'est pas forcément ce à quoi on pense. Il s'agit pas d'étanchéifier la totalité de la maison. Quand je parle d'étanchéité, je parle de point de passage. La diminution des fuites d'air qu'on appelle aléatoires, donc tout ce qui va passer par les huisseries défectueuses de vos fenêtres, par exemple, mais les passages de plomberie, Ah. tout. Absolument, les passages de plomberie, les prises, tout ce qui va créer une brèche en fait hein, dans votre mur ou votre toiture, donc entre l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Donc diminuer toutes ces fuites d'air-là, c'est aujourd'hui une des stratégies les plus rentables pour améliorer la performance énergétique et votre niveau de confort dans la maison. C'est une des stratégies les moins compliquées à mettre en place. On peut faire appel à un spécialiste pour le faire. Ça n'est pas si cher que ça. En termes de budget, on est sur des budgets assez bas. On parle de 1500, 2500 dollars selon la taille de la maison. Donc, on est sur des budgets assez bas. Si on est minutieux, c'est tout à fait des choses qu'on peut faire soi. On n'est pas sur des gestes techniques de construction compliqués. Et il faut savoir que statistiquement, dans une maison individuelle, les fuites d'air sur les petits éléments de passage, ça représente 24 heures sur 24, hiver comme été, une petite fenêtre de 1 pied carré ouverte en permanence. Comme si on avait une fenêtre de 1 pied carré ouverte dans le mur de sa maison, Ah, c'est en quand même, termes de passage d'air. c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et il y a des études qui ont été faites dessus. C'est une des mesures où on a le plus gros retour d'investissement. Pourquoi? Parce que ça ne vous coûte pas grand-chose. C'est pas difficile à mettre en place. Et ça fait baisser vos factures d'électricité de façon significative. Parce que l'intérêt de tout ça, quand on parle d'isolant, moi je vais vous dire, changez vos huisseries pour des huisseries plus performantes. Mais en fait, l'intérêt de tout ça, c'est faire baisser vos factures d'électricité. Parce qu'en fait, baisser vos consommations d'énergie fait de fait baisser l'impact environnemental de votre bâtiment. D'accord. Donc finalement, pour conclure, Camille, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la consommation de notre bâtiment? Et est-ce que ça vaut quand même le coup de réduire la consommation, bah, l'empreinte environnementale de notre bâtiment ou les dépenses énergétiques de notre maison, sachant que de toute façon, on a de l'hydroélectricité au Québec? Est-ce qu'on a quand même intérêt de le faire? Alors, bah, d'abord, on a intérêt financier à le faire, hein. On n'est pas, l'environnement, c'est très, très bien, mais on a aussi d'autres problématiques dans nos vies quotidiennes qu'on peut prendre en compte. Faire baisser sa consommation d'énergie, c'est de facto faire baisser sa facture d'électricité. Et selon les travaux mis en place, cette baisse-là, elle peut être vraiment significative et très rentable. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est toujours intéressant de baisser ces impacts environnementaux. L'énergie du Québec, elle est plutôt propre. C'est de l'hydroélectricité. On est sur un bilan carbone très bas. On est autour de 30 grammes de CO2 par kilowattheure produit. C'est un des plus bas du monde. Ceci dit, elle n'est propre que selon cet angle-là, c'est-à-dire l'angle des émissions de GES. Si on regarde les impacts environnementaux de la production d'électricité au Québec, notamment sous l'angle de l'occupation des sols, on est sur des impacts plutôt très hauts. Donc, c'est vrai que faut pas être focalisé que sur les bilans carbone, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Et ben, les barrages québécois prennent énormément de place. Hein. Les terres inondées, c'est des surfaces très, très importantes. Donc, ça représente de très gros impacts. Donc, de toute façon, quand on se place dans une perspective de baisse de ces impacts, toujours intéressant de baisser sa consommation d'énergie, même avec un des kilowattheures les plus propres du monde en termes d'émissions de GES. Oui, exactement. C'est une bonne conclusion, effectivement. Même si on a de l'électricité relativement propre, ça vaut quand même le coup de réduire, d'une part pour notre facture énergétique, et ensuite pour penser aux autres, faut penser aux autres impacts environnementaux de la production d'électricité. Merci beaucoup, Camille, pour cet aperçu de l'empreinte environnementale du secteur de bâtiment. Je rappelle que Camille est étudiante au doctorat au CIRAG, le centre de recherche spécialisé dans l'analyse du cycle de vie des produits. Merci, Camille. Merci Valérie. Et quant à nous, bien, c'est ainsi que se termine Futur Simple aujourd'hui, mais Futur Simple vous revient évidemment la semaine prochaine. Et pour l'instant, je cède le micro de CKRL 89.1 à Calypso Lemoine pour En Aparté.